بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد On commence aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le cours numéro 20 dans l'explication de cet épître très important au Usul al-Iman, l'imam المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار Selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ta'ala a dit, l'enfant de Adam, l'enfant d'Adam, me fait du tort. Il insulte le temps, et je suis le temps. Le commandement est entre mes mains. Je change le jour et la nuit. هذا الحديث فيه بيان لما يقع فيه كثير من بني آدم من الظلم في حق الله تعالى. Il y a dans ce hadith très connu, il y a donc l'éclaircissement concernant ce dans quoi vont tomber beaucoup parmi les enfants de Adam, les enfants d'Adam, tels que l'injustice concernant Allah تعالى. فأولا ابن آدم يؤذي الله تبارك وتعالى وقد رأينا في الدروس الماضية أن المخلوق قد يؤذي الله تعالى لكنه لا يضره. Et donc premièrement, il faut savoir donc que l'enfant d'Adam, il va faire du tort à Allah Ta'ala. Et nous avons vu dans des cours précédents que la créature peut faire du tort à Allah mais que cela ne lui fait pas de mal. Il ne faut pas confondre les deux. La créature peut faire du tort à Allah, elle va faire une injustice à Allah tabaraka wa ta'ala, mais cela ne lui fait pas de mal. Wal adha al-madhkur fi hadha al-hadith huwa kawnu al-mar'i yasubbu ad-dahr. Et certes, ce tort, cette injustice qui est citée dans ce hadith, c'est le fait que l'individu va insulter le temps. فَالنَّاسُ إِنْ أَصَابَهُمْ أَمْرٌ يَكْرَهُونَهُ سَبُّ الدَّهْرَ وَسَبُّ الْيَوْمَ وَالسَّاعَةَ أَوْ السَّنَةَ. Et donc les gens, lorsqu'ils sont touchés par quelque chose qu'ils détestent, ils vont donc insulter le temps. Il se peut qu'ils insultent le jour ou l'heure ou l'année. وَالدَّهْرُ مَخْلُوقٌ لَيْسَ بِيَدِهِ شَيْءٌ لكن الذي خلق هذه المصائب وهذه المكاره هو الله تبارك وتعالى خلقها بحكمته فمن سب الدهر فقد سب الله تبارك وتعالى. Et le temps, certes, le temps est une créature parmi les créatures d'Allah تبارك وتعالى. Rien n'est entre ses mains. Mais celui qui a créé ces malheurs et celui qui a créé ces choses qui vont être détestables, ces choses que nous vont détester, que nous allons détester, excusez-moi, parmi ces choses qui vont nous toucher, celui qui a créé tout cela, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il l'a fait de sa sagesse. Celui donc qui va insulter le temps aura certainement insulté Allah Tabaraka wa Ta'ala. فمن سب الدهر عالما بتحريمه ولم يقصد سب الله تبارك وتعالى فهو يعذر ويعلم. Et donc celui qui va insulter le temps tout en sachant le caractère interdit de ce qu'il a fait, alors mais que cet individu ne cherche pas par là à insulter Allah, alors celui-ci doit être réprimandé, doit être corrigé et enseigné. وَمَنْ سَبَّ الدَّهْرَ قَاصِدًا سَبَّ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرْ. Mais celui qui va insulter le temps, en cherchant par là à insulter Allah, il aura mécru. وذكرت العلماء من مفاسد سب الدهر أن الدهر ليس أهلا للسب أصلا فمن فعله فهو أولى بالسب. Et les savants les ont cités parmi les mauvaises conséquences du fait d'insulter le temps. Il y a le fait que le temps n'est pas un élément qui peut être insulté. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le temps qui fait quoi que ce soit. Ce n'est pas le temps qui donne et qui retire. Et donc ce n'est pas un élément qui peut être insulté pour cela. Et donc celui qui va insulter le temps, c'est lui qui mérite prioritairement le fait d'être insulté. وَكَذَلِكَ ذَكَرُوا أَنَّ هَذَا السَّبَّ لِلدَّهْرِ يَتَضَمَّنُ شِرْكًا لأنه ظن أن الدهر هو الذي يعطي ويمنع. Et aussi les savants, ils ont cité que cette insulte, le fait d'insulter le temps, cela comprend aussi une forme de polythéisme. Car l'individu pense que le temps, c'est lui qui donne et c'est lui qui retient. وكذلك ذكروا أن الغالب في الذين يسبون الدهر إنما يسبونه لوقوع أمر خالف أهواءهم ولا لحقيقة شرعية. Et aussi les savants, ils ont cité que en général, ces personnes qui vont insulter le temps, ils le font à cause du fait qu'il s'est produit quelque chose qui est contraire à leur passion. Mais ils ne le font pas pour un élément concret de la législation. Et ensuite, l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il nous dit, après avoir cité ce hadith, il nous dit « Babul imani bil qadar » le chapitre concernant la foi au destin. Allahu Akbar, c'est un chapitre très important. Le chapitre concernant la foi au destin. Ensuite, il nous dit « Wa qawlullahi ta'ala » et la parole d'Allah le Très-Haut « Inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna » Oulaika anha mub'adun. Certes, en seront écartés ceux à qui étaient promises, ceux à qui étaient promises de belles récompenses de notre part. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa kana amrullahi qadaran makdura. Et certes, le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et Allah vous a créé ainsi que ce que vous accomplissez. Et la parole d'Allah ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Certes, toute chose nous l'avons créée avec une prédestination. Qala al-'allamah al-Fawzan hafizahullah. القدر هو إحاطة الله بمقادير الأشياء وقضاؤه سبحانه ما يجري بهذا الكون من الحوادث التي تقع شيئا فشيئا في هذا الكون فإنه لا يقع في هذا الكون من شيء أو يحصل فيه من شيء إلا وقد علمه الله في الأزل وقضاه وقدره لا يخرج شيء عن قدره وقضائه. Le très savant Al-Fawzan, hafidahullah, il dit le destin, c'est le fait que Allah cerne la prédestination de toute chose. Et le fait qu'il ait décrété cela, subhanahu, et le fait qu'il ait décrété tout ce qui se passe dans cette création, parmi les différents actes ou les différentes situations qui se passent petit à petit dans cette création. Car certes, rien ne peut se produire dans cette création sans que Allah tabaraka wa ta'ala le sache, sans que Allah tabaraka wa ta'ala l'ait toujours su et qu'il l'ait décrété et prédestiné. Rien ne sort du destin d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son décret. Fin de citation. Fayajibu l'iman bil qadari. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam لما سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Et donc il est obligatoire de croire au destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut interrogé concernant la foi, il a dit: la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et donc celui qui ne croit pas au destin ne croit pas en Allah عَزَّ وَجَلَّ. لِذَلِكَ Ibn Umar رضي الله عنهما لما بلغه أن بعض الناس يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنوف قال كما في صحيح مسلم فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Et c'est pour cela qu'Ibn Umar رضي الله عنهما, lorsqu'il lui fut parvenu que certaines personnes prétendent qu'il n'y a pas de destin et que Allah ne connaît les choses qu'après qu'elles se soient produites, alors Ibn Umar, il a dit comme dans Sahih Muslim: alors si tu rencontres ces personnes, si tu rencontres ces gens qui disent cela, informe-les que je me désavoue d'eux et qu'ils n'ont rien à voir avec moi par celui par lequel jure Abdullah Ibn Umar. Si l'un d'entre eux possède la montagne de Uhud en or et qu'il dépense cela, Allah n'acceptera pas de lui jusqu'à ce qu'il croit au destin. قال النووي حفظه الله إن هذا تكفير صريح من ابن عمر رضي الله عنهما. النووي رحمه الله, il nous dit que ceci est un takfir. Ceci est le fait que Abdullah ibn Umar a décrété de façon claire la mécréance de ces gens qui ont rejeté le destin. وقد رأينا في دروس قد مضت أن القدر له مراتب يجب الإيمان بها كلها. Et certes, nous avons vu lors de cours précédents que le destin a plusieurs degrés et qu'il est obligatoire de croire en tous ces degrés. Aujourd'hui, on va réviser, inshallah ta'ala, le sujet du destin. فالمرتبة الأولى يجب الإيمان بأن الله علم كل شيء ولا يقع في ولا يقع شيء إلا بعلمه تبارك وتعالى. Et donc le premier degré est qu'il est obligatoire de croire que Allah tabaraka wa ta'ala connaît toutes choses et que rien ne se produit sans sa science, sans qu'il le sache. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب هذا الذي في كتب ذلك في اللوح المحفوظ. Le deuxième degré de la foi au destin est que nous croyons fermement que Allah Ta'ala a écrit cela, a écrit ce qu'il savait, vu qu'il sait toutes choses, il a écrit cela dans le Lawh al-Mahfouz, dans les tablettes préservées. Allah Ta'ala qui nous dit: Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitab. Ne sais-tu pas que Allah connaît ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Certes, cela est dans un livre. Al-martabatu thalitha. Al-imanu bi anna Allah sha'a kull shay'in mimma qadahu wa qaddara fi al-lawh al-mahfuz. Fala yaqa'u shay'un illa bi iradatihi subhanahu wa ta'ala. Wa la yaqa'u fi mulkihi ma la yurid. Le troisième degré de la foi est que nous ayons tous la foi quant au fait que Allah tabar, le troisième degré de la foi au destin, excusez-moi, est le fait que nous ayons tous la foi que Allah tabaraka wa ta'ala, il a voulu toute chose, qu'il a prédestiné, il a voulu toute chose, qu'il a décrété, qu'il a prédestiné dans les tablettes préservées. Et rien ne se produit sans sa volonté, tabaraka wa ta'ala. Et que rien ne se produit dans son royaume sans qu'il le veuille. وَهَذَا مُهِمْ أَيُوَ الْإِخْوَ وَالْأَخَوَاتِ Et cela, c'est très important, mes frères et sœurs. لَا يَقَعُ شَيْءٌ فِي هَذَا الْكَوْنِ إِلَّا بِمَشِيَةِ اللَّهِ Rien dans cette création ne se produit, rien ne se produit sans la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala. إِذَنْ أَنْتَ لَا تُرَكِّزْ عَلَى النَّاسِ وَاحْفَظْ شَرِيعَةَ اللَّهِ لأن الأمر كله بيد الله. Et donc toi, vu que tu sais cela, ne te concentre pas sur les gens, mais concentre-toi sur le fait de préserver la législation d'Allah, car le commandement tout entier est entre les mains d'Allah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit préserve Allah, c'est-à-dire préserve la religion d'Allah, il te préservera. Préserve la religion d'Allah, tu le trouveras en face de toi, il te montrera la direction, il te montrera où aller, quoi faire. وَعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Et sache que si les gens se réunissent pour te faire du tort, pour te faire du mal, ils ne pourront t'atteindre que parce que Allah a décrété te concernant, que parce que Allah a écrit, a décrété contre toi. Et si les gens se réunissent tous pour te faire du bien, ils ne pourront te faire de bien que ce que Allah a décrété en ta faveur. فَمَنْ عَلِمَ أَنَّمَا أَصَابَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ يَصْبِرُ عَلَى الْمَصَائِبِ وَيَحْتَسِبُ الْأَجْرَ عِنْدَ اللَّهِ. Et donc celui qui sait que tout ce qui le touche comme malheur ne peut se faire sans la volonté d'Allah, celui-ci va patienter sur tous les malheurs qui vont le toucher et il va espérer la récompense d'Allah Ta'ala. Al-Martabatu al-Rabia, le quatrième degré de la foi au destin. Al-Imanu bi anna kulla ma yaqa'u fi hadha al-kawn fa huwa min khalqillah. Que nous ayons la foi quant au fait que tout ce qui se produit dans cette création, tout cela fait partie de la créature d'Allah, tout cela fait partie de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah le dit, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Certes, toute chose, nous l'avons créée par prédestination. Wala yajuzu an nattaki'a 'ala al-qadar. Il n'est pas permis que nous nous basions sur le destin. C'est-à-dire que l'individu délaisse les œuvres et se base sur le destin, le fait que chacun, sa place au paradis ou en enfer, a déjà été prédestiné. Il n'est pas permis de délaisser les œuvres et de se baser sur le destin. لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ هَلْ قَدَّرَ اللَّهُ لَهُمُ السَّعَدَ أَوِ الشَّقَاوَ أَوَّلًا. Premièrement, c'est que les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas si Allah Ta'ala leur a prédestiné le bonheur ou le malheur. Alors comment vas-tu délaisser les œuvres pour te baser sur ce destin? Tu ne sais pas ce qui t'a été prédestiné. Wa aidan li'anna dukhul al-jannati la yakunu illa bi'amal wa la yumkinu ad-dukhul fi'n-nar illa bi-sababin li'anna Allah la yazlimu ahada. Et aussi le fait de rentrer au paradis ne se fait que par des œuvres. Mais aussi on ne peut rentrer en enfer que par des causes. Et cela car Allah Azza wa Jal ne fait injustice à personne. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit dans son livre: Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Celui qui accomplit de bonnes actions le fait pour lui-même, et celui qui a mal agi, il aura fait cela contre lui-même. Et certes, ton Seigneur ne fait d'injustice à personne. Certes, ton Seigneur ne fait pas d'injustice aux serviteurs. Falidalika. لما علم الصحابة أن كل إنسان مقدر مقعده من الجنة ومن النار فقالوا يا رسول الله فيما العمل أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. Et c'est pour cela que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont su que chacun sa place au paradis ou sa place dans le feu a déjà été prédestinée, ils ont dit: ô messager d'Allah, pourquoi œuvrer? Ne devons-nous pas délaisser les œuvres et nous baser sur ce qui a déjà été écrit nous concernant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: œuvrez, car chacun sera facilité à ce pourquoi il a été créé. Concernant celui qui a été créé donc pour faire partie des gens du bonheur, alors certes, les œuvres des gens du bonheur lui seront facilitées. Et concernant celui qui a été créé pour faire partie des gens du malheur, alors certes, les œuvres des gens du malheur lui seront facilitées. فالإيمان بالقدر به يزداد المسلم عملا ويصبر على المصائب. Et donc, la foi au destin, par celle-ci, le musulman va augmenter ses œuvres. Il ne se base pas sur le destin pour diminuer ses œuvres, mais il va les augmenter. Et il va patienter et endurer concernant les malheurs qui le touchent. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Et certes, il n'y a aucun malheur qui vous touche sur terre ou sur vous-même, sur vos propres personnes, sans que cela soit dans un livre. Certes, ceci, sans que cela soit inscrit dans un livre avant que Allah ne l'ait créé. Et donc avant que Allah n'ait créé ce malheur. Certes, ceci est bien facile à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc voilà, mes chers frères et sœurs, une courte révision concernant le sujet du destin. Et on va continuer à approfondir un peu le sujet bi'idhnillahi ta'ala lors de ce chapitre qu'a cité l'auteur dans son livre, le chapitre du destin, la foi au destin. On va donc continuer cette révision et on va continuer à profiter de ces hadiths et de ces versets qu'a cité l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala la semaine prochaine. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite, il est capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.